Le Nouvel Hebdo nous apprenait au cours des dernières semaines qu'il y aura un projet de marina à Dolbeau, un projet d'un million de dollars. C'est quoi qu'il en soit, on va parler avec le président du club nautique de Dolbeau-Missassini, André Guy, qui est probablement notre futur maire. Salut André! Bonjour Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Projet d'un million de la marina, c'est un beau projet ça? Oui, c'est un beau projet qu'on caresse au moins depuis, je te dirais, 3 ans. Là. Okay. Mais comme je pourrais te dire, il faut y aller graduellement, il faut y aller selon aussi le processus budgétaire de la ville, parce que la ville va être partenaire là-dedans dans ce projet-là. Donc oui, on peut dire qu'un nouveau là, 3 ans, là, c'était à peu près 900 quelques mille dollars. Puis là, on peut dire qu'aujourd'hui, avec l'indexation des coûts, on va friser pour, probablement le million de dollars. OK. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben écoute, là, bon, premièrement, tu as dû lire dans les journaux de la semaine passée. Tu sais que la marina est adjacente au terrain laissé vacant des 10 jours OSA. Ouais. Un très grand terrain en plein centre-ville avec des infrastructures qu'on retrouve, de même qu'un boisé très intéressant. Et tu as vu, la ville a un projet de 3 millions là, pour réaménager des aires de jeu, décorquer, après ça, terrain de la ballante, etc. Et ainsi que le projet de la marina. Mm. Parce que nous, on savait que ça s'en venait. Ça fait au-dessus d'un an, un an et demi que M. le maire, Pascal Cloutier, nous avait mis au courant de dire, écoutez, découragez-vous pas, vous êtes dans nos plans. Mais là, on est intégré dans un projet global qui est ce développement-là, qui présentement, on le sait, là, la ville est en consultation auprès des gens, là, de savoir ce qu'ils ont déjà acquis, ce qu'ils ont déjà déposer, est-ce que ça vous satisfait et est-ce que vous voyez d'autres choses à y ajouter, entre autres la marina, que nous, on est partie prenante. Okay. Donc, le projet, en gros, Danny, ben, premièrement, c'est changer, c'est modifier nos quais. Là. Okay, nos quais, là, c'était, probablement, j'avais des vieux quais que tu sais que là, présentement, tous les quais de section nord ont été complètement modifiés, c'est-à-dire changés pour des quais structure en aluminium, durée de vie beaucoup plus longue que le bois. Et après, qu'est-ce qu'on veut avoir comme prochaine étape? C'est de se faire une petite marina, c'est-à-dire une petite capitainerie dans laquelle on va pouvoir recevoir les gens avec une petite cuisinette, avec notre siège social pour pouvoir la gestion, l'administration sur place, suivi d'un petit entrepôt, d'un entrepôt pour être capable de serrer nos inventaires, nos équipements en période estivale. Et ça, ben écoute, là, on est rendu à la phase ou à l'étape de dire, bon, là, c'est des consultations. On fait les consultations, puis après, ben, comment ça va se dérouler? Ben, là, comment ça va se dérouler? Tu le sais, autant que moi, on est en élection présentement. Ouais. Le conseil va être renouvelé. Et je pense que c'est dans les cartons, dans les prochaines décisions du futur maire et des futurs conseillers au conseil de la ville de Dolbeau qu'on prend des décisions pour savoir à quelle étape et à quelle vitesse qu'on réalise ce projet-là. OK. Dis-moi, ce projet est très, très intéressant. Est-ce que j'imagine que ça va augmenter le tourisme aussi? Bien, écoute, ça va augmenter en tout cas, c'est l'attrait touristique qu'on va voir. C'est une porte d'entrée à la ville. On sait que le nautisme prend de plus en plus d'essor. Et lorsque tu offres des infrastructures, en tout cas de qualité, ben les gens investissent. Les gens de plus en plus s'achètent soit des bateaux, soit des motos marines. Puis on a une liste de demandes. Et aussi, faut penser aussi que tout le tour du lac Saint-Jean, là. Il y en a plusieurs des marinas. Puis les gens qui demeurent dans d'autres marinas, on a un intérêt l'été à se fréquenter, à se visiter. Et chose que là, nous, avec cet accroissement-là de nos infrastructures, ben, on va pouvoir accueillir tous les bateaux de différentes tailles et de leur offrir différents services, entre autres pour les eaux usées. Parce qu'on sait que des bateaux de 27 pieds et plus, là, avec des salles de bain, en général, lorsqu'ils viennent se tanker, c'est pas en bas de 300-400 litres d'essence, là, mais en même temps, ben ils font la vidange de leur eau usée. Chose qu'à la marina de Dolbeau, on ne pouvait pas les offrir présentement. Okay. Okay. Mais que dans l'avenir, on voudrait régler ce problème-là. Donc, ça va attirer. Puis, tu sais que une marina qui est neuve, ben, le monde dit, ben, on va monter la belle rivière de Dolbeau-Missassini, qui est pleine de bancs de sable, mais qui est une beauté extraordinaire quand le soleil est là. Et ça va attirer du monde, puis ça va attirer des gens qui vont venir voir. Puis notre marina est pas loin du centre-ville, donc encore là, il peut y avoir des navettes qui vont relier le centre-ville, soit pour la restauration, etc. Parce qu'il faut bien se dire une chose, Danny, dans les plans, là, on ne veut pas une capitainerie là, avec un éléphant blanc, là, c'est-à-dire très grosse bâtisse, équipement okay. avec restauration. Ça n'est pas dans nos plans. On va avoir une capitainerie, nous, qui va être véritablement efficace et qui va répondre à nos besoins. OK. Dis-moi, cette année, comment ça a été? C'était une très, très belle été. J'imagine que c'était très intéressant. Donc, les bateaux devaient être intéressants. Les gens ne pouvaient pas voyager. Donc, certainement, tout ce qui est golf, tout ce qui est activité plein air, ça a dû être une belle année. Bon, là, pour commencer, on a eu l'été 4 semaines d'avance par rapport à l'année d'avant. Donc, on a mis nos quais 4 semaines à l'avance. Ça a été un départ Lyon. Par contre, on a eu un mois de juillet mouton. Parce que ça faisait pas tellement beau. Tout, mais le mois d'août a été excellent. Écoute, là, nous, on le voit là par le nombre de litres d'essence qu'on vend. On peut dire que cette année, on a brisé des records dans le nombre de litres, litres d'essence vendus. Mmh. On a vendu près de 10 000 litres de plus que l'an passé, qui, elle, déjà, était une année record. Okay. Donc, effectivement, c'était une très bonne année pour le club nautique. Et en plus, ben, tu sais, Danny, que cette année, le club nautique s'est associé avec le Dull Boat Show, qui a eu lieu le 18 juillet. C'était la seule journée. Festival, hein? La seule journée du mois de juillet qui faisait très beau. Écoute, le service était très bien encadré par la Sûreté du Québec, les pompiers, les ambulanciers. Puis, la Sûreté du Québec a estimé eux autres à plus de 250 bateaux qui se trouvaient là, sur cette plage-là et ce banc de sable-là, là, à partir de 15h aller jusqu'à 19h, 19h30 le soir. C'était une activité qui était formidable, très bien réussie, très bien coachée par deux membres du club nautique. Et il y avait un groupe de bénévoles qui s'était associé à ces deux membres-là pour réaliser cette activité-là. Donc, écoute, l'année 2000, l'été 2021, là, on pourrait la répéter encore plusieurs fois, puis ça ferait juste des élus et des contents. OK. André, t'es pas, c'est un podcast de sport, mais quand même, donc on sait que t'es une grosse nouvelle qu'on attend d'ici vendredi. Bien hâte de voir, tu as déjà annoncé que tu te présenterais à la mairie. Bien hâte de voir André Guy comme maire. Ça fait longtemps qu'on l'attend, celle-là. Là. Bien, écoute, Danny, oui, c'est vrai, ça fait longtemps. Danny, quand que Pascal a décidé de ne pas renouveler son mandat, je peux dire que j'ai été sollicité très, très fortement. Et là, j'écoute, le principal argument que mes gens me disaient, André, tu n'as plus l'argument pour ne pas y aller. Parce que là, 4 ans, j'étais encore associé chez Mallette, puis compte tenu de ma situation familiale, etc., ça n'était pas avantageux que je me présente, que je fasse ce soir politique. Mais quand j'ai annoncé ma retraite, il y en a qui m'ont demandé « Est-ce que tu penses faire la politique un jour? » Ben, j'ai dit « Écoutez, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau, faut jamais dire cela. » Donc, lorsque Pascal a annoncé vendredi à 10h30 qu'il ne renouvelait pas son mandat, je peux dire que moi, j'étais en destination pour monter à mon camp de pêche. C'était la grande fin de semaine, la fête du travail. Et aux 15 kilomètres sur le chemin de Résolu, là, mon téléphone a commencé à sonner dans mon truck. J'ai trouvé de m'arrêter sur le bord. Je disais « Qu'est-ce qui se passe? » Et j'ai eu à peu près 5-6 téléphones en dedans de 10 minutes. Là. OK. Et donc, c'était plaisant, mais j'étais un petit peu sur le choc un peu. Là, puis, là, comme ils m'ont dit, André, t'as plus d'arguments. Mais là, j'ai dit, écoutez, là, laissez-moi aller à la pêche. Là. J'ai 3 jours. Puis moi, je reviens, là, on va se reparler. Puis je peux te dire que quand je suis revenu le lundi, ma femme, ma conjointe, elle avait hâte que j'arrive pour que je puisse retourner mes messages, retourner mes courriels, parce que ça n'arrêtait pas. Et mardi matin, j'avais une rencontre avec des gens du milieu, très influents du milieu, qui avaient déjà commencé à faire un petit sondage maison. Okay. Savoir si j'avais des appuis dans tous les secteurs de la ville. Puis écoute, j'ai resté étonnamment là, surpris et l'ampleur surtout de l'appui que j'avais. Et écoute, j'ai pas eu le choix. J'ai dit, j'y vais. Mais sois sérieux, c'est sérieux, Danny. Je sais que c'est un poste qui doit être pris au sérieux. Je sais aussi la lourdeur de la tâche et la responsabilité que je vais avoir, Puis je suis sûr d'une chose que, et tu me connais, on a déjà travaillé ensemble, Danny. Quand j'embarque dans quelque chose, j'y vais pas à peu près, je vais y aller à fond de train. Et il faut pas oublier que je suis à peu près certain que je vais avoir une très bonne équipe autour de moi. Ben, effectivement, il y a de sa pointe qui vient d'annoncer qu'il va être brillant. Ça va faire du bien d'avoir un jeune, donc bravo. André, on va s'en reparler sûrement comme maire. Fait que un gros merci pour le plaisir de se parler. OK. Le président du club nautique de Dolbeau-Mississigny, futur maire de Dolbeau-Mississigny également, André.